la base des bases, on les pèse. Il faut que je me taille. La la la, une semaine en Espagne. Ouh la la la, sous le matelas, pas de compte épargne. Ouh la la la, tu comptes sur moi dès le départ. Ouh la la la, je comprends pas tout ce qui m'arrive. Je dis Dieu merci. Je pensais pas au disque d'or quand je guettais devant la pharmacie. Ils me voyaient aux assises. Maintenant mon clip passe à la 6. Tu vas pas rester assise. Vas-y, la couche passe la 6. Je dors plus la nuit. Où sont mes amis? Maman, ne t'inquiète pas. Ton fils, il a grandi. La rue, un tsunami. Quand elle t'emporte, regrette pas les pifetons. Quand ta bague frappe à la porte, je vois le joint qui part en cuillère. Je suis sur la lune. Aujourd'hui, c'est la même qu'hier. On cherche de la thune, on est les mêmes, on est des terres. Une vie t'en a qu'une, en vrai quand tu l'aimes tu la perds. Chacun sa chacune, je fais des tours en bandit. Je vais sortir la petite, attends, je dois faire ma fit. Je préfère en liquide. Il faut que je me taille. La la la, une semaine en Espagne. Oh la la la, sous le matelas, pas de compte. Il faut que je me taille. La la la, une petite semaine en Espagne. La la la, sous le matelas, pas de compte épargne. La la la, quand je suis pété, j'aime trop les femmes. La la la, il faut que je me taille. La la la, une petite semaine en Espagne. La la la, sous le matelas, pas de compte épargne. La la la, quand je suis pété, j'aime trop les femmes. Foncé, oh, je dors plus la nuit. En vrai, t'as toujours triché comme dans nos parties de ramis. En mi à mort, toi t'es parti. J'ai fait l'andouille, elle vit là, tu t'en bats les couilles. J'ai perdu un ami, ça m'a fait mal au cœur. J'ai eu qu'un seul amour, je la regrette encore. J'ai perdu un ami, ça m'a fait mal au cœur. J'ai eu qu'un seul amour. Je la regrette encore. Je rentre tous les soirs en voiture. Un flash de pur, j'ai frite un pétard. Charbonne mes deuxième albums. On l'a qu'étale, c'est quoi ton portable? Des fois l'ami, je suis galant. Je te fais sucer au bord des calanques. Toi tu la galois, je fais gaffe un peu où tu mets ta langue. Comme d'hab, j'arrive pété en Clio société. Je me gare vers la jetée. Je l'ai vu, elle a zioté. Comme d'hab, j'arrive pété en Clio société. Je me gare vers la jetée. Je l'ai vu, elle a zioté.